Okay. Nique sa mère si les flics s'amènent. Ils cherchent du shit mais ils trouvent la merde. Moi plus 10 si tu veux que je m'amène. Allonge le beat pour le feat m'amène. Flow pas mec, j'ai la prose qui plaît. Le R.A.P. j'ai du cause des plaies. Mes rails ont la bonne dose qui paye. J'suis toujours heavyweight, j'ai le son que fait. La frappe sortie du bendo. Sulfate, j'prends English Rumbo. Original, j'rappe comme Dendo. Et j'repends le game à la Picasso. I'm so dope, un pied sur le Togolo, sur le Congo. En ascension, j'arrive à crescendo. Fais mes plans resto ou dans le temps. Soit vert, que les feux soient rouges, mais qu'on roule comme eux. Si le bif est frappe ou si le bif est sale, on monte un plan comme eux. Que les feux soient verts, que les feux soient rouges, mais qu'on roule comme eux. Si le bif est frappe ou si le bif est sale, on monte un plan comme eux. Comme ton prof, on va tout apprendre. Rien à laisser pour te tout apprendre. Tu veux m'abattre, amène tout ta bande. Ici le marchand vole la contrebande. Depuis le quartier, j'arrête à la mortier. Rappale que tu ne peux amortir. Shit, qu'on craque, mal et tout ça se vend. Ils sont tous armés, mais pas tous ça. Que les feux soient verts, que les feux soient rouges, mais qu'on roule comme eux. Si le bif est frappe ou si le bif est sale, on monte en plan comme eux. Que les feux soient verts, que les feux soient rouges, mais qu'on roule comme eux. Si le bif est frappe ou si le bif est sale, on monte en plan comme eux. Yeah.